plein le cul, le cul, le cul. Ça commence à me gonfler. Si on a marre quand t'allumes la télé, t'as que des mauvaises nouvelles, j'en ai vraiment assez. Y en a marre de tous ces travailleurs qui perdent leur boulot, la tronche qu'on s'en est trop. Y en a marre de toute cette pollution, car c'est nous qui payons, on nous prend pour des cons.